إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله اتقوا الله واعلموا أن من فضائل كلمة التوحيد لا إله إلا الله التي هي خير الكلمات وأفضلها وأجلها وذكر ما يترتب عليها من أجور كريمة وفضائل عظيمة وثمار نافعة في الدنيا والآخرة لكن يجب على المسلم أن يعلم أن لا إله إلا الله لا تقبل من قائلها بمجرد نطقها باللسان فقط بل لا بد من أداء حقها وفرضها واستيفاء شروطها الواردة في الكتاب والسنة وكل مسلم يعلم أن كل طاعة يتقرب بها إلى الله لا تقبل منه إلا إذا أتى بشروطها فالصلاة لا تقبل إلا بشروطها المعلومة والحج لا يقبل إلا بشروطه وجميع العبادات كذلك لا تقبل إلا بشروطها المعلومة من الكتاب والسنة وهكذا الشأن في لا إله إلا الله لا تقبل إلا إذا قام العبد بشروطها المعلومة في الكتاب والسنة وقد أشار سلفنا الصالح رحمهم الله إلى أهمية العناية بشروط لا إله إلا الله ووجوب الالتزام بها وأنها لا تقبل إلا بذلك ومن ذلك ما جاء عن الحسن البصري رحمه الله أنه قيل له إن ناسا يقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة إن ناسا يقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة فقال من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة وقال الحسن للفرزدق وهو يدفن امرأته ما أعددت لهذا اليوم يعني ماذا أعددت للموت قال شهادة أن لا إله إلا الله منذ 70 سنة قال الحسن نعم العدة لكن للا إله إلا الله شروط فإياك وقذف المحصنات ووهب بن منبه لما سأله أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله قال بلى ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان فإن أتيت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح يشير بالأسنان إلى شروط لا إله إلا الله serviteur d'Allah nous avons expliqué dans des khutbah précédentes les mérites de la ilaha illallah de la parole du tawhid que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah subhanahu wa ta'ala et c'est la meilleure de toutes les paroles et la plus noble de toutes les paroles et la plus grande de toutes les paroles qui ramène des bienfaits et des fruits bénéfiques dans la dunya et dans l'au-delà. Il est obligatoire aux musulmans de savoir que la ilaha illallah ne sera pas acceptée de celui qui la prononce seulement parce qu'il l'a prononcé avec sa langue. Mais il faut qu'il respecte et qu'il accomplisse ses droits et qu'est-ce qui est relié à ses obligations. Et il doit respecter également les conditions qui sont rapportées dans le Coran et dans la Sunna au sujet de cette parole de la ilaha illallah. Et tous les musulmans savent que n'importe quelle adoration que tu pratiques, n'importe quelle adoration que tu fais pour Allah, peu importe qu'est-ce que cette adoration-là soit, elle ne sera pas acceptée d'Allah, excepté si tu l'as fait selon ses conditions. Et donc la salat, par exemple, elle ne peut pas être acceptée sauf si elle respecte certaines conditions qui sont bien connues. De même que le hajj, si tu fais le hajj, eh bien ton hajj ne sera pas accepté, excepté si tu le fais selon les conditions de la charia. De même que toutes les autres formes d'adoration que tu pratiques, si tu les fais, mais d'une manière qui n'est pas en accord avec le Coran et la Sunna, eh bien, cette adoration-là ne sera pas acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien, c'est la même chose également à propos de la ilaha illallah. Si tu prononces cette parole sans respecter ses conditions, eh bien, cette parole-là ne sera pas valable et ne sera pas acceptée. Et certains de nos pieux prédécesseurs, parmi les salaf al-salih, ont mentionné l'importance de s'accrocher et de comprendre les conditions de la ilaha illallah et qu'il est obligatoire de les respecter et de les appliquer pour que nos actions soient acceptées. Et parmi les exemples à ce sujet, il y a ce qui a été rapporté par le grand alim, le grand parmi les tabi'in, qui était un élève des sahaba, Al-Hassan al-Basri, rahimahullah. Il a dit, quelqu'un lui a dit, certaines personnes disent, celui qui dit la ilaha illallah, il va rentrer au paradis. En voulant dire, est-ce que c'est vrai que celui qui dit la ilaha illallah, que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, il va rentrer au paradis? Alors Al-Hassan al-Basri, qui était un des plus grands savants de l'époque des tabi'in, il a répondu et il a dit, oui, celui qui dit la ilaha illallah va rentrer au paradis à condition qu'il respecte les droits qui sont reliés à cette parole et ses obligations. Dans ce cas-là, il va rentrer au paradis. Mais s'il ne respecte pas ses droits et ses obligations, eh bien là c'est une autre chose. Et Al-Hassan a dit justement à un homme qui s'appelait Al-Farazdaq, alors qu'il était en train d'enterrer son épouse, parce qu'elle était décédée, et il a demandé à Al-Farazdaq, qu'as-tu préparé pour le jour de ta mort? Alors Al-Farazdaq a dit, j'ai préparé le témoignage de la ilaha illallah depuis 70 ans. Alors Al-Hassan lui a dit, c'est une belle préparation. Cette parole que tu as préparée, ça c'est quelque chose de bien. Sauf que la ilaha illallah, elle a des conditions. Et un autre parmi les ulama, parmi les tabi'in, qui s'appelait Wahb ibn Munabbih, il a dit à celui qui a posé la question, n'est-ce pas que, parce que quelqu'un lui a demandé, n'est-ce pas que la clé du paradis c'est la ilaha illallah? Et il a répondu, certes, la clé du paradis c'est la ilaha illallah, mais sache qu'il n'y a pas une clé excepté qu'elle a des dents. Lorsque tu vois une clé, tu veux ouvrir une porte, cette clé elle a des dents. Si ce n'est pas les bonnes dents pour cette clé, eh bien la porte que tu veux ouvrir, elle ne va pas s'ouvrir, même si tu as la clé. Donc c'est pas suffisant d'avoir la ilaha illallah seulement, mais d'avoir aussi les clés de la ilaha, les dents qui vont avec ce témoignage de la ilaha illallah. Et les dents de la ilaha illallah correspondent aux conditions de la ilaha illallah. ثم إنه باستقراء أهل العلم لنصوص الكتاب والسنة تبين أن لا إله إلا الله لا تقبل إلا بسبعة شروط، وهي العلم بمعناها نفيا وإثباتا المنافي للجهل، ثانيا اليقين المنافي للشك والريب، ثالثا الإخلاص المنافي للشرك والرياء، رابعا الصدق المنافي للكذب، رابعا المحبة المنافية للبغض والكره، سادسا الانقياد المنافي للترك، وسابعا القبول المنافي للرد. Et donc, les ulama de l'islam ont réuni les conditions de la ilaha illallah en recherchant dans les textes du Coran et de la Sunna. Et ils ont ramené sept conditions au témoignage de la ilaha illallah. La première condition, c'est d'avoir la connaissance de ce que signifie la ilaha illallah, de ce que la ilaha illallah affirme et de ce que la ilaha illallah nie. Deuxième condition, c'est d'avoir la certitude et la conviction de ce que signifie la ilaha illallah. Et ça, c'est ce qui oppose le doute et les incertitudes. La condition numéro 3, c'est d'être sincère et d'avoir la pureté d'intention dans ce témoignage, c'est-à-dire d'éliminer toute forme de shirk et d'éliminer toute forme d'ostentation ou de riya. Et l'ostentation, c'est-à-dire lorsque tu fais une action, mais tu l'as fait pour obtenir les louanges et les glorifications des hommes, au lieu de chercher l'agrément et le plaisir d'Allah seulement. As-sidqu al-munafi lil-kadhib, c'est-à-dire d'être véridique, et qui est le contraire du mensonge en fait. Donc tu dois dire ce témoignage avec véracité et être véridique lorsque tu le dis et non pas le dire sans être véridique. Le point numéro 5, l'amour qui contredit la haine ou le fait de détester ce témoignage. Et al-inqiyad, c'est-à-dire de se soumettre à cette parole et de mettre en application ce qu'elle signifie et non pas de l'abandonner. Et la septième condition, c'est d'accepter tout ce qui vient avec. D'accepter la ilaha illallah et d'accepter tout ce qui vient avec la ilaha illallah. Et ça, c'est le contraire de rejeter. وقد جمع بعض أهل العلم هذه الشروط السبعة في بيت واحد فقال علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها ولنقف وقفة مختصرة مع هذه الشروط لبيان المراد بكل واحد منها ومع ذكر بعض أدلتها من الكتاب والسنة أما الشرط الأول فهو العلم بمعناها المراد منها نفيا وإثباتا المنافي للجهل وذلك بأن يعلم ما قال من ذلك بأن يعلم يعلم ذلك بأن يعلم من قالها أنها تنفي جميع أنواع العبادة عن كل من سوى الله وتثبت ذلك لله وحده كما في قوله سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين أي نعبدك ولا نعبد غيرك ونستعين بك ولا نستعين بغيرك وقال الله سبحانه وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله وقال تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون قال المفسرون إلا من شهد بلا إله إلا الله وهم يعلمون أي يعلمون معنى ما شهد به في قلوبهم وألسنتهم وثبت في صحيح مسلم من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة فاشترط عليه العلم فاشترط صلى الله عليه وسلم العلم. Et donc, ces conditions, parmi les conditions qu'on a mentionnées, la première, c'était al-ilm, c'est-à-dire d'avoir la science de ce que signifie la ilaha illallah, et de connaître ce qu'elle affirme et ce qu'elle nie. De connaître ce qu'elle affirme et ce qu'elle nie. Approchez-vous un peu pour ceux qui arrivent derrière vous. Et donc, ça c'est la première condition, d'avoir la connaissance de ce que ce témoignage signifie et de ce qu'il nie. C'est-à-dire que la personne qui témoigne de la ilaha illallah, elle doit savoir que la ilaha illallah nie tout ce qui est adoré en dehors d'Allah par les hommes. Et elle affirme que seul Allah doit être adoré. Allah subhanahu wa ta'ala dit, comme on récite à chaque prière dans Surat al-Fatiha, « Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in » qui signifie « nous t'adorons toi et nous n'adorons rien d'autre que toi, et c'est à toi que nous demandons de l'aide, et nous ne demandons de l'aide à personne d'autre que toi. Voilà la signification de Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Et lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran ce qui signifie, sache que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Donc l'ordre, le verbe impératif de savoir, c'est-à-dire fa'lam, hein, Allah nous ordonne de savoir et de connaître. Donc c'est une obligation de connaître cette parole et de savoir ce qu'elle implique et ce qu'elle signifie. Également le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun » c'est-à-dire accepter celui qui témoigne de la vérité alors qu'ils savent. Et donc, bien entendu, comme les savants de tafsir ont expliqué, ça veut dire ceux qui disent « La ilaha illallah » et qui savent sa signification et ils savent de quoi ils ont témoigné avec leur cœur et avec leur langue. Et également, il a été rapporté dans le sahih de l'imam muslim, selon Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu, il a dit que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, celui qui meurt alors qu'il sait que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, il entre au paradis. Et donc, c'est la condition de la connaissance et de la science. La deuxième condition, أما الشرط الثاني فهو اليقين المنافي للشك والريب أي أن يكون قائلها أن يكون قائلها موقنا بها يقينا جازما لا شك فيه ولا ريب واليقين هو تمام العلم وكماله قال الله تعالى في وصف المؤمنين إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون ومعنى قوله ثم لم يرتابوا أي أيقنوا ولم يشكوا. La deuxième condition, c'est de ne pas avoir de doute dans cette parole de la ilaha illallah et de la dire avec conviction et certitude profonde. Et al-yaqin, la certitude, c'est d'avoir la connaissance et de n'avoir aucun doute. Et Allah a décrit les croyants de cette façon dans plusieurs versets dans le Coran. Lorsqu'il dit par exemple, les croyants, c'est-à-dire ceux qui sont les vrais croyants, ce sont ceux qui croient en Allah et en son messager, puis qui n'ont pas de doute. ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُ Et la signification de لَمْ يَرْتَابُ, c'est-à-dire qu'ils sont certains, ils ont la certitude et ils n'ont aucun doute. ثُمَّ وَثَبَتَ فِي صَحِحِ مُسْلِمْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. C'est-à-dire que Abu Huraira, il a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, je témoigne que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah et que Muhammad est le messager d'Allah. Il n'y a personne qui va rencontrer Allah avec ces deux paroles sans avoir aucun doute en celle-ci, excepté qu'il entrera au paradis. Donc il faut ne pas avoir de doute. Approchez-vous un peu pour laisser de l'espace pour les frères qui sont debout et qui n'ont pas d'espace. والشرط الثالث وهو الإخلاص المنافي للشرك والرياء وذلك إنما يكون بتصفية العمل وتنقيته من جميع الشوائب الظاهرة والخفية ومن ذلك وذلك بإخلاص النية في جميع العبادات لله وحده ألا لله الدين الخالص وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه فاشترط الإخلاص. Et donc, une autre parmi les conditions, c'est d'être sincère et d'avoir une intention pure, uniquement pour Allah, lorsqu'on fait une adoration et lorsqu'on dit la ilaha illallah. Et, bien entendu, donc, si tu veux que tes œuvres soient acceptées par Allah, il faut être sincère, il faut avoir l'ikhlas. Allah subhanahu wa ta'ala dit, n'est-ce pas à Allah qu'appartient la religion pure? c'est-à-dire le fait de purifier ton intention pour qu'elle soit uniquement pour Allah. Et il dit, ils n'ont été ordonnés que d'adorer Allah seul en lui vouant un culte pur, c'est-à-dire en adorant que lui et d'avoir une intention pure uniquement pour lui. Et dans le Sahih de l'imam al-Bukhari, il rapporte selon Abi Huraira que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la personne qui sera la plus heureuse au jour de la résurrection, celle qui sera plus heureuse de mon intercession, ce sera celui qui a dit, rien ne mérite d'être adoré excepté Allah avec un cœur pur. C'est-à-dire qu'il aura dit ça avec une intention sincère uniquement pour Allah. الشرط الرابع وهو الصدق المنافي للكذب وكذلك بأن يقول العبد هذه الكلمة صادقا من قلبه والصدق هو أن يواطئ القلب اللسان ولذا قال الله تعالى في ذم المنافقين إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أن إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون فوصفهم سبحانه بالكذب لأن ما قالوه بألسنتهم لم يكن موجودا في قلوبهم وقال سبحانه ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين وثبت في الصحيح في الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صادقا من قلبه إلا حرمه الله على النار فاشترط الصدق. Mes chers frères, sachez que il y a également parmi les conditions, et c'est la quatrième, d'être véridique, et c'est-à-dire de ne pas mentir dans ce témoignage de la ilaha illallah. C'est-à-dire que tu dis la ilaha illallah avec ton cœur et tu y crois sincèrement. Et ce que tu dis avec ta langue, c'est exactement ce qui est dans ton cœur. Il n'y a pas de différence entre ta langue et ton cœur. Contrairement aux munafiqin, les hypocrites. Allah subhanahu wa ta'ala les a décrits dans le Coran en disant ce qui signifie, et lorsque l'hypocrite te vient, ou les hypocrites te viennent, ils disent, nous témoignons que tu es le messager d'Allah. Certes, Allah sait que tu es son messager, et Allah témoigne que les hypocrites sont des menteurs. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala les a décrits par le mensonge et il a dit d'eux qu'ils sont des menteurs. Donc ce qu'ils ont dit avec leur langue, c'était pas dans leur cœur. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran également ce qui signifie, est-ce que les hommes pensent qu'ils seront laissés à dire nous croyons et qu'ils ne seront pas éprouvés? Nous avons certes éprouvé ceux qui ont vécu avant eux pour que Allah puisse savoir ceux d'entre eux qui sont véridiques. Et qu'il puisse savoir ceux qui mentent. Et il a été rapporté également de façon authentique dans Sahih de l'imam Muslim et de l'imam al-Bukhari, selon Mu'adh ibn Jabal, il a dit, il n'y a personne qui témoigne de la ilaha illallah et de Muhammad Rasulullah et qui est sincère lorsqu'il le dit dans son cœur, excepté que Allah va le protéger de l'enfer, va l'empêcher, va l'interdire d'entrer en enfer. Et donc, une des conditions qui est mentionnée, c'est As-Sidqu. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. الشرط الخامس عباد الله المحبة المنافية للبغض والكره وذلك بأن يحب قائلها يحب الله ورسوله ودين الإسلام والمسلمين القائمين بأوامر الله الواقفين عن حدوده وأن يبغض من خالف لا إله إلا الله وأتى بما يناقضها من شرك وكفر ومما يدل على اشتراط المحبة في الإيمان قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله وقال في الحديث وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث أوثق عرى الإسلام أو أوثق عرى الإيمان أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. Et donc parmi les conditions de la ilaha illallah, serviteur d'Allah, sachez qu'il y a l'amour. C'est-à-dire qu'on doit aimer cette parole de la ilaha illallah. Et l'amour, ça implique ou ça comprend le fait de, yani, qu'est-ce qui est contraire de détester ou de haïr. Donc tu dois aimer cette parole de la ilaha illallah. Et elle implique également cette condition que tu dois aimer Allah, tu dois aimer son messager, sallallahu alayhi wa sallam, tu dois aimer l'islam, et tu dois aimer les musulmans qui appliquent les ordres d'Allah et qui se tiennent sur les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu dois également détester tout ce qui contredit la ilaha illallah et toute personne qui contredit la ilaha illallah en faisant ce qui annule ou qui oppose ce témoignage et qui commet du shirk ou du kufr. Et parmi les preuves qui indiquent que d'aimer est une condition du témoignage de la ilaha illallah et que c'est une condition pour ce témoignage, il y a les versets dans le Coran, comme le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie parmi les hommes, il y en a qui prennent des égaux avec Allah et qui les aiment comme ils aiment Allah, ou bien qu'ils les aiment comme ils devraient uniquement aimer Allah, tandis que les croyants sont encore plus forts dans leur amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans le hadith qui est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'anse la plus solide de la foi, c'est l'amour pour Allah et le fait de haïr pour Allah. L'amour pour Allah et la haine pour Allah. Et la sixième condition, الشرط السادس القبول المنافي للرد فلا بد من قبول هذه الكلمة قبولا حقا بالقلب واللسان وقد قص الله علينا في القرآن الكريم أنباء من سبق ممن أنجاهم لقبولهم لا إله إلا الله انتقامه وإهلاكه لمن ردها ولم يقبلها وقال تعالى ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين وقال سبحانه في شأن المشركين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. Et donc parmi les conditions de la ilaha illallah, c'est qu'il faut l'accepter entièrement dans notre cœur et être en accord avec tout ce qu'elle implique et tout ce qui est avec, et on ne doit rien en rejeter. Et donc il faut accepter cette parole avec le cœur et avec la langue et le prononcer et le dire. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a mentionné dans le Coran le sort de ceux qui nous ont précédés parmi ceux qu'il a sauvés et qui ont accepté de dire la ilaha illallah, et ceux qui ont refusé et comment il les a fait périr parce qu'ils n'avaient pas accepté de dire la ilaha illallah. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie dans le Coran, puis ensuite nous sauvons nos messagers et ceux qui ont cru, c'est ainsi que nous sauvons les croyants. Et il mentionne dans un autre verset l'exemple de ceux qui ont refusé ou rejeté le témoignage de la ilaha illallah et qui ont dit ce qui signifie, comme Allah dit, lorsque on leur a dit de dire la ilaha illallah, ils se sont enflés d'orgueil et ils ont dit allons-nous abandonner nos divinités ou nos idoles pour un poète fou, parce qu'ils traitaient le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de poète et de fou, hein? Et donc Allah subhanahu wa ta'ala les a réfutés dans ce verset. Et ash-shart as-sabi', qui est la dernière condition, la septième, al-inqiyad al-munafi lit-tark. وإذ لا بد لقائل لا إله إلا الله أن ينقاد لشرع الله ويذعن لحكمه ويسلم وجهه إلى الله إذ بذلك يكون متمسكا بلا إله إلا الله ولذا يقول تعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى أي فقد استمسك بلا إله إلا الله فاشترط سبحانه الانقياد لشرع الله وذلك بإسلام الوجه لله سبحانه وتعالى فهذه الشروط شروط لا إله إلا الله ليس المراد منها عد ألفاظها وحفظها فقط فكم من عامي لم يدرس الشريعة ولم يدرس الإسلام، ولكن اجتمعت فيه هذه الشروط والتزمها، ولو قيل له اعددها لم يحسن ذلك. وكم من حافظ لألفاظها يجري فيها كالسهم، وتراه يقع كثيرا فيما يناقضها. فالمطلوب إذن العلم والعمل معا، ليكون المرء بذلك من أهل لا إله إلا الله صدقا، ومن أهل كلمة التوحيد حقا، والموفق لذلك والمعين على ذلك هو الله وحده. Et donc, mes chers frères, serviteurs d'Allah, sachez que la dernière condition, c'est de se soumettre entièrement à cette parole et de ne pas l'abandonner, ou de ne pas abandonner ce que Allah nous ordonne dans cette parole, et de mettre en application tout ce qu'elle implique. Et la personne qui le dit, donc, lorsqu'elle dit « La ilaha illallah », que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, elle doit se soumettre à la législation et à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala et à son jugement. Et elle doit soumettre son visage à Allah en s'accrochant à la ilaha illallah. Et c'est ainsi que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran ce qui signifie « Et quiconque soumet son visage à Allah alors qu'il est bienfaisant, alors il s'est accroché à l'anse la plus solide. » C'est-à-dire il s'est accroché à la ilaha illallah. Et donc c'est une condition pour que ce témoignage soit valable. Et sachez que ces conditions de la ilaha illallah, le plus important, c'est pas de les mémoriser par cœur et juste de les connaître. Il y a beaucoup de musulmans qui ne les ont pas étudiés, qui ne les ont pas appris, mais qui les respectent et qui les appliquent, même s'ils ne les ont pas mémorisés. Et il y a beaucoup de gens qui les ont mémorisés, qui les connaissent par cœur, mais qui négligent certaines de ces conditions-là. Et donc, qu'est-ce qui est important pour les musulmans, c'est de connaître et de les appliquer ensemble, et non pas juste l'application toute seule, ou seulement la mémorisation toute seule. Et avant de terminer cette khutbah, je voudrais juste profiter de l'occasion pour faire un petit rappel au sujet des événements qui se sont produits cette semaine et de la responsabilité des musulmans et des mosquées, que ce soit à Montréal ou ailleurs, d'enseigner aux musulmans et d'expliquer aux musulmans la aqidah et le manhaj des salaf al-salih, et en particulier de donner une attention particulière aux convertis, c'est-à-dire à ceux qui entrent dans l'islam et qui se convertissent dans l'islam. Et c'est-à-dire que ceux qui ne sont pas nés dans la religion musulmane et qui ne connaissent pas la langue arabe, ils ont très peu de ressources parfois pour retourner à l'apprentissage de la religion avec un apprentissage authentique et correct. Et parfois, ils fréquentent certaines mosquées où il n'y a justement pas d'enseignement, aucune forme d'éducation et aucune explication de la aqida du tawhid et de la compréhension et du manhaj de nos pieux prédécesseurs. Et donc, ils deviennent, ces jeunes convertis, la proie de différents individus et de différents groupes qui appellent à des idéologies et à des tendances des khawarij et des sectes déviées, parmi les groupes et les sectes qui ont contredit la voie d'Ahl Sunnah wal Jama'a et qui tombent dans l'extrémisme et dans l'égarement à cause de ça, comme l'égarement et l'extrémisme des khawarij qui sont actuellement en Irak et en Syrie et ailleurs, comme le groupe de Daesh, ou bien Al-Qaïda, ou d'autres sectes et groupes d'égarement parmi les groupes des Khawarij et des Takfiriyin. Il y a des groupes et il y a des individus à Montréal et ailleurs qui encouragent et propagent ces idéologies-là, même si certains peut-être ne sont pas au courant, mais sachez qu'ils existent et c'est une réalité. Et ils font leur travail en sourdine. Ils ne le font pas ouvertement, parce que la plupart du temps, ce sont des lâches qui font ce genre d'action et ce genre de choses. Ils ne prêchent pas ouvertement leurs idées, ils le font en cachette. Et ils cherchent les individus ignorants et faibles pour les attirer. Et donc, c'est du devoir de chaque musulman de faire son effort pour apprendre sa religion, apprendre sa aqida, apprendre le manhaj. Et ensuite, ceux qui sont capables de l'enseigner en langue française ou en anglais pour des non-musulmans, des musulmans convertis, de leur faire comprendre, de leur faire connaître. Et c'est pour ça qu'on traduit toujours la khutbah en français ici, pour que ceux qui sont convertis à l'islam ou ceux qui ne sont pas arabophones pour qu'ils puissent apprendre aussi leur religion et profiter de cet islam. Parce que l'islam n'a pas été révélé uniquement pour un seul peuple, pour les Arabes, mais il a été révélé pour toute l'humanité entière et pour que toute l'humanité puisse jouir et profiter de la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc le message doit être transmis et doit être propagé à tout le monde. Il faut qu'on aide également les autorités à stopper toute personne qui agisse de la façon dont certains de ces individus ont agi, de tuer des soldats ou de tuer des policiers ou de tuer n'importe qui parmi les kuffars qui sont dans la société. C'est interdit d'agir de cette façon-là dans l'islam. C'est un acte qui non seulement salit les musulmans, mais salit également l'islam, qui est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aucun kafir sur la terre ne peut faire plus de tort à l'islam et aux musulmans que ces individus-là qui malheureusement, avec leur ignorance et leur passion, réussissent à faire plus de tort à l'islam et aux musulmans en agissant de cette façon. Et les koufars ensuite, qui sont les ennemis de l'islam, utilisent ça et ils mettent ça dans les médias pour montrer aux gens que ça c'est l'islam et écartez-vous de cette religion. Alors qu'on sait que l'islam est innocent de ce que ces gens-là font. Et on sait que le djihad également est innocent de ce que ces gens-là font. Le djihad, c'est pas de tuer des gens comme ça dans la rue. Quelqu'un qui marche, il s'en va acheter quelque chose au magasin, tu lui fonces dedans avec ta voiture ou tu le frappes avec une arme, alors que lui, il savait même pas que tu allais l'attaquer. Ça, c'est de la lâcheté et c'est de l'ignorance. C'est quelque chose que l'islam ne tolère pas. Il faut savoir également, pour terminer, que les kuffars, quand on dit le mot kafir ou kuffar, il faut savoir que le mot kuffar, il y a des catégories dans la charia d'Allah. Il y a ce qu'on appelle al-harbiyoun, al-kuffar al-harbiyoun. C'est quand il y a entre un état musulman et un état de kuffar une guerre déclarée et officielle, déclarée par le dirigeant, le chef de l'état, et non pas par un groupe d'égaré ou d'ignorant qui se prétend être un état islamique ou représenter les musulmans, alors qu'ils n'ont aucune autorité réelle. Il y a les kuffars qu'on appelle al-musta'manoun et al-mu'ahadoun. Et il y a Ahl-Zimma. Donc, ces catégories-là de koufars sont des catégories de koufars qui sont soit parce qu'ils ont une entente, ils sont dans un pays qui vivent sous une entente de paix avec les musulmans. Leur pays et le pays des musulmans sont en paix. Il n'y a pas de guerre déclarée entre eux et nous. Ou bien ils sont des mu'ahadoun ou bien des musta'manoun, c'est-à-dire un kafir qui est musta'man, il vient dans les pays musulmans soit parce qu'il est ambassadeur où il est un émissaire envoyé par les pays non musulmans pour représenter son pays, et ou bien il est un travailleur qui vient avec un contrat pour faire quelque chose et puis après il retourne, ou bien Ahl-Zimma, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens qui vivent parmi les musulmans et qui ont accepté de respecter certaines conditions, ceux-là sont aussi parmi les gens qu'on appelle Ahl-Zimma, qui font partie des gens qu'on n'a pas le droit de toucher et qu'on n'a pas le droit d'attaquer. Et la même chose également pour les musulmans qui viennent vivre chez les koufars et qui signent une entente en rentrant, avant de rentrer chez eux, qu'ils vont ne pas porter atteinte à leur bien ou à leur personne et qu'ils vont respecter leurs engagements envers eux, eh bien ils doivent respecter leur engagement envers ces koufars-là à cause de l'entente qu'ils ont prise. Si quelqu'un manque à ça, il a trahi l'entente de l'islam qu'il a pris avec ces gens qui sont, même s'ils sont des koufars, mais comme on a dit, les ulama de l'islam ont clarifié que les koufars ne sont pas tous une seule catégorie. Il y a, comme on a dit, il y a les harbiyoun qui sont une catégorie, et il y a ce qu'on appelle al-mu'ahadoun ou al-musta'manoun, et il y a ahl-zimma. Mais ces groupes de khawarij et d'égarés et d'ignorants, ils mettent tous les koufars dans la même catégorie. Et ils ignorent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait des ententes de paix avec Quraysh, il a fait des ententes de paix avec les Al-Yahoud, avec les Juifs, il a fait des ententes de paix avec d'autres également parmi les koufars, et que ça c'est pas interdit, et que ça c'est pas une loi là pour les koufars, c'est pas de prendre les koufars pour alliés. Mais malheureusement, à cause de leur ignorance et de leur écart, de leur éloignement des savants et des ulama de l'islam, et qu'ils n'étudient pas la charia d'Allah, ils pensent que l'islam c'est juste de la vengeance et de faire couler le sang, des gens, Allahul Musta'an, alors que ce n'est pas ça le message de l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu comme une miséricorde pour les mondes. Donc sachez que ces gens-là, leur discours, c'est un discours d'émotion. Dans le sens qu'ils montrent aux musulmans et à des gens vulnérables et faibles, ignorants parfois, des vidéos de ce qui se passe dans les pays musulmans. Des enfants ou des femmes ou des gens qui se font tuer par des armes ou par des missiles ou bien par des choses qui sont tirées par des koufars ou autres. Mais ils leur montrent ça, ou des soldats qui font de l'injustice à des musulmans parfois, et ils disent, regardez ce qu'ils font, donc nous aussi il faut faire la même chose. Sachez que si on nous fait une injustice, ça ne justifie pas dans l'islam qu'on refasse la même injustice à notre ennemi. Même si c'était vrai, même si ce qu'ils disent est vrai. C'est pas permis de remettre une injustice pour une injustice, et de faire du mal parce qu'on a fait du mal seulement. Notre religion, c'est pas une religion juste de vengeance, c'est une religion de justice et de miséricorde pour les mondes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois qu'il a fait le djihad, il l'a fait selon des conditions et le respect. Il n'a jamais juste tué pour tuer et faire couler le sang des innocents. Jamais. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwa al-ghafurur rahim. Juste avant de terminer, j'ai oublié une chose. Il y a eu hier une inondation ici. Peut-être que aujourd'hui ça paraît pas, vous le savez pas, mais hier on était ici, toute la mosquée de... Quand je suis rentré pour le Fajr, il y avait de l'eau partout. L'autre côté, ici, ça a commencé au quatrième étage. L'eau, elle a coulé ici, c'était rempli d'eau. On n'a pas même pu prier la journée ici hier. Et ça a coulé en bas, au deuxième étage aussi. Donc, on a, alhamdoulilah, loué un aspirateur, on a changé les tapis. Donc, alhamdoulilah, si c'est un petit peu inconfortable, si c'est un peu mouillé sur le bord, on s'excuse. Mais alhamdoulilah, aujourd'hui, c'est correct. اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر دينك وكتابك وسنه نبيك يا رب العالمين وقوموا الى صلاتكم حسنت في الاقامه Ou bien fait le. Vas-y, vas-y. Fort, fort. Allah wa qala Allah wa qala shalala ilaha illallah shalala Muhammad rasulullah. Ayy hala salat, ayy hala salat, ayy hala salat, ayy hala salat. Allah wa qala Allah wa qala ilaha illallah. Stau, i'tadilu, saw, sufufakum. Allahu akbar. Allahu akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر